إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, donc aujourd'hui on est arrivé au cours numéro, si je ne me trompe pas, c'est le numéro, hier c'était le 17, aujourd'hui c'est le 18, cours numéro 18 Inch'Allah. Et donc on est arrivé au chapitre qui parle de, qui s'intitule « Babun fi dhikri ba'da salah », c'est-à-dire le chapitre au sujet du dhikr après la salah, d'accord. Et le cheikh il commence en disant قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. C'est-à-dire Allah سبحانه وتعالى dit Ô vous qui avez cru, souvenez-vous d'Allah, rappelez-vous d'Allah سبحانه وتعالى d'un rappel abondant, c'est-à-dire rappelez-vous souvent d'Allah سبحانه وتعالى et beaucoup يعني. Et سبحوه بكرة وأصيلة, c'est-à-dire et glorifiez-le à la pointe du jour et au déclin de la journée. Et ça c'est dans Sourate Al-Ahzab, le verset 41 et 42. Et ensuite, le Cheikh dit وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات فقال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a spécifié l'ordre ou le commandement de se souvenir de lui ou de se rappeler de lui après l'accomplissement ou après avoir accompli certaines adorations en particulier, comme par exemple à la fin des salawat, c'est-à-dire après avoir terminé de faire les salawat qu'on doit faire dans la journée. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque la salat est terminée, alors souvenez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala debout, assis ou sur votre côté, allongé sur votre côté, c'est-à-dire couché. Et ça c'est dans Surat An-Nisa, le verset 103. Et le cheikh il dit également dans une autre surah, il dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, et lorsque la salat est terminée, alors dispersez-vous sur la terre et recherchez parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et souvenez-vous de lui beaucoup, hein, souvenez-vous beaucoup de lui pour que, dans le but que vous atteigniez le succès ou que vous ayez le succès, hein. Et ça c'est dans le verset 10 de Surat al-Jumu'ah. Et le Cheikh dit wa amara bi dhikrihi ba'da ikmal siyam ramadan fa qala subhanahu wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a également demandé aux mu'minin, aux croyants de se souvenir de lui et de se rappeler de lui après avoir complété le jeûne du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala il dit pour que vous ayez complété, hein, pour compléter le nombre de jours, hein, le nombre de jours de jeûne, et pour que vous glorifiez Allah ou célébrez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il vous a guidé et dans le but que vous soyez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est dans le verset 185. Et wa amara bi dhikrihi ba'da qada'i manasik al-hajj. فقال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم donc le cheikh dit après avoir fait le hajj il faut Allah il dit également et lorsque vous avez terminé vos rites du hajj alors souvenez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala comme vos pères le faisaient ou bien plus encore, c'est-à-dire souvenez d'une façon encore plus forte encore que celle de vos parents. Et le cheikh il dit donc il mentionne ça c'est le verset 200 dans sourate al-Baqara et le cheikh il dit وَكَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جَبْرٌ لِمَا يَحْصُلُ فِي نعم جبر فيما يحصل في العبادة من النقص والوسواس وإشعار الإنسان أنه مطلوب منه مواصلة الذكر والعبادة لأن لا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه. Donc il dit que Allahu a'lam, c'est la raison pourquoi Allah nous demande après avoir complété certains actes d'adoration de continuer à se souvenir de lui d'une façon yani continuelle et tout et de mentionner son nom et de se souvenir de lui, c'est parce que en réalité parfois quand on accomplit nos adorations il y a des manquements dedans, il y a des imperfections dans nos adorations du fait que parfois on est distrait, on n'est pas concentré, on n'est pas attentif et donc à cause de ça et à cause des wiswas, le fait que par exemple le shaitan il essaie de nous souffler parfois des choses pour nous distraire et également dans le but que l'être humain ressente que il doit continuer tout le temps à mentionner le nom d'Allah et à adorer et pour pas qu'il s'imagine que une fois qu'il a terminé d'établir une adoration que ça y est il a fait ce qu'il devait faire et que c'est terminé donc il doit continuer à se souvenir d'Allah et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh dit wa dhalika wallahu a'lam wa dhikru al-mashru'u ba'da salati al-fariidah yajibu an yakuna 'ala as-sifati al-waridati 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la 'ala as-sifati al-muhdatha al-mubtada'a allati yaf'aluha as-sufiyya al-mubtadi'a. Donc le cheikh dit que le dhikr qui est légiféré, qui a été commandé par Allah subhanahu wa ta'ala après la salat obligatoire, après les prières obligatoires, et bien c'est obligatoire qu'il soit fait selon la description qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas à la façon des innovateurs et des gens de bid'ah qui le font comme par exemple les soufis. Eux ils font une forme de dhikr après la prière qui est contraire à la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est en contradiction avec la sunna. Et donc le dhikr, c'est important de connaître sa description et comment le faire selon la façon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit fa fi sahih Muslim an Thawban radiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sarafa min salatihi istaghfara thalathan وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim qui dit que Thawban a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait sa prière et qu'il se tournait, eh ben il disait astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, c'est-à-dire je demande pardon à Allah, il disait ça trois fois. Puis après avoir fait ça, après avoir dit ça, il disait اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Oh Allah, c'est toi la source de la paix et c'est de toi que vient la paix et que tu sois béni. Oh toi qui possède la majesté et la noblesse. Donc ça c'est un exemple de dhikr que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait après la prière. Après il dit وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Al-Mughira ibn Shu'ba qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il terminait sa salat, il disait la ilaha illallah, la sharika lah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Ça veut dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté toi, nul partenaire avec toi ou avec lui, nul partenaire avec lui, à lui appartient le royaume et à lui la gloire et la louange, hein, et il a le pouvoir sur toutes choses. Donc ensuite ça dit, oh Allah, personne ne peut empêcher ce que tu as donné et personne ne peut donner ce que tu as retenu, et voilà, yanfa uzal jadd min kal jadd. Donc wallahu a'lam. Et après le cheikh dit, wafi sahih Muslim an Abdullah ibn Zubair. Attendez, ce qui a... En tout cas, il y a aussi, en passant, je voulais juste mentionner que un des bons livres qui est traduit en français, c'est le livre qui s'appelle Hisnul Muslim. Et ce livre-là, Hisnul Muslim, c'est un petit livre avec des afkar du Coran et de la Sunna, écrit par Cheikh Saïd ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani, et il a été traduit dans plusieurs langues, dont le français, et parfois même il est traduit avec les phonétiques parfois. Donc c'est très pratique ce petit livre. Et puis il y a tous les adhkars qui sont mentionnés, hein, du Coran et de la Sunna, et sont authentiques également. Donc ça c'est un bon livre de référence si vous voulez savoir plus de détails sur les adhkars et les formes de dhikr à mentionner après la salah, hein. Et puis tout est là, dans ce petit livre là, mashallah, pour la prière, après la prière et à chaque événement de la journée ou de la vie, il y a des exemples de dua pour chaque chose. C'est très pratique, donc je vous le conseille, inshallah. Et puis donc je continue, le cheikh dit, wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Zubair anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. دونك ça c'est dans Sahih Muslim, comme on a dit, c'est rapporté sur Abdullah ibn Zubair. Et je vais traduire qu'est-ce que ça dit. Ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après chaque salat, il faisait l'immention de la ilaha illallah, hein, après avoir fait le taslim, et il disait la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il n'a pas de partenaire, et à lui le royaume, à lui la louange, et il a le pouvoir sur toutes choses. Il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par lui, par Allah, et rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et nous n'adorons que lui, à lui la grâce, à lui le mérite, et à lui la glorification, la bonne glorification, al hasan et la louange. Donc la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré excepté Allah, mukhlisina lahu ad-din, et nous lui purifions notre religion, hein, uniquement pour lui, et même si cela déplaît aux mécréants, walaw kariha al-kafirun, même si ça ne plaît pas aux mécréants. D'accord. Donc ça c'est un des doigts qu'on peut dire après la prière. Ensuite le cheikh il mentionne un autre doigt. Toutefois ce doigt il est daïf. Les paroles qui est dedans, bon, il n'y a pas rien de contraire, inshallah, au Coran et à la Sunna dans ce doigt là. Toutefois il ne peut pas être attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il est daïf. Il est rapporté par l'imam Tirmidhi. Hein, et je vais juste le lire, juste parce que du fait qu'il est mentionné par le cheikh, mais sinon juste pour que vous soyez au courant qu'il est daif. Toutefois, il y a des parties du dua qui sont authentiques. Il y a une partie du dua qui est authentique. Toutefois, il y en a une autre partie qui est pas authentique. Ça dit من قال وفي السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 times كتب له 10 hasanat. Non. Donc celui-là il est mentionné dans le petit livre de Hisn al-Muslim. Ouais, c'est ça. Il est mentionné La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. OK, 10 times, il dit ça 10 fois. Il est rapporté par Tirmizi et Ahmad. Il dit وَنْزُرْ تَخْرِجُهُ فِي زَادَ الْمَعَادِ. Non, il a référé au takhrij dans Zad al-Ma'ad. Toutefois, yani il ne mentionne pas s'il est authentique ou non. Et non. Donc ici j'ai vérifié moi dans le hukum de Sheikh al-Albani au sujet de ce hadith. Et le Cheikh Al-Albani, il dit dans Sahih al-Tirmidhi que dans Da'if, en tout cas il l'a mis dans les Da'if, dans Al-Tirmidhi. Donc ça veut dire que le hadith n'est pas authentique, yani, dans ce cas-là, comme on a dit. Et qu'est-ce qu'il dit le hadith ensuite? Il dit « Man, ah oui c'est ça, « Wa huwa ala kulli shay'in qadir, 10 times, kutiba lahu 10 hasanatin » ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرص وحرص من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. نعم ça c'est un hadith qui est ضعيف en fait. نعم ça dit que celui qui dit après avoir fait la prière de Fajr alors qu'il est encore assis et qu'il n'a pas parlé, la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, la sharika lah, n'a pas de partenaire, lahul mulk, à lui le royaume, wa lahul hamd, à lui la gloire, yuhyi wa yumit, il fait vivre et il fait mourir, wa huwa ala kulli shay'in qadir, il a le pouvoir sur toute chose, et si le 10 times, c'est-à-dire il dit ça 10 fois, on lui écrira 10 hasanat, et on va lui effacer 10 sayyi'at, c'est-à-dire 10 péchés, on va l'élever de 10 degrés, wa rufi'a lahu 10 darajat, et sa journée, dans toute sa journée, il sera protégé de tout mal, et il sera protégé du shaitan, et aucun péché ne l'atteindra dans cette journée-là, excepté le shirk. En tout cas, c'est un hadith, comme on a dit, qui est da'if. Et donc c'est pas sunna de le faire, il faut pas le faire puisque c'est pas sunna et puisque c'est pas authentique. C'est le hadith 3474 dans Sahih al-Tirmidhi. Donc soyez, si vous voulez vérifier, vous pouvez retourner. Ensuite, Cheikh dit wa warada anna hadhihi at-tahlilat al-ashr tuqalu ba'da salat al-maghrib aydan. Il dit que ça a été rapporté également que ces tahlilat, c'est la ilaha illallah, ces choses-là, on peut les dire après le maghrib également, dans le hadith de Salama. Toutefois, il est rapporté selon Ahmed, il dit qu'il est rapporté ici selon Ahmed. C'est le hadith 26340. Naam. Et Al-Haythami, il l'a mentionné également dans Majma' al-Zawaid. Et donc, c'est ça. Attendez un instant ici. Ok. Donc, Ahmed et Tirmidhi, mais comme je dis, c'est pas clair l'authenticité de ce dua-là. Donc on va passer à, après il dit Wahadith Abi Ayyub al-Ansari fi Sahih Ibn Hibban. Il dit qu'il est également mentionné par Ibn Hibban dans son livre Sahih Ibn Hibban. Bon, d'accord. Ensuite, on continue. Le cheikh dit wa yaqulu ba'd al-maghrib wal fajr aydan rabbi ajirni min an-nar sab'a marratin rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa ghayrihim. Et il dit, il mentionne également que akhrajahu Muslim min hadith Ibn al-Harith marfou'an wa Abu Dawud fil adab. Non, donc il dit que après le maghrib et le fajr, il peut également dire oh Allah, sauve-moi du feu, ajirni min an-nar, rabbi ajirni min an-nar cette fois. Et il mentionne que c'est rapporté selon Ahmad, Abu Dawud et An-Nasa'i Ibn Majah. Puis en bas de page, on marque que c'est rapporté également par Ibn al-Harith dans le livre de Muslim, l'imam Muslim. Ensuite, il dit ثم يسبح بعد هذه بعد كل صلاة ثلاثة وثلاثين ويحمده ثلاثة وثلاثين ويكبره ثلاثة وثلاثين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il dit que ensuite tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala, tu mentionnes subhanallah 33 fois, puis alhamdulillah 33 fois, puis Allahu Akbar 33 fois, puis après avoir dit ces choses-là, ça fait 99, donc tu complètes 100 avec en disant la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Parce que ça c'est mentionné par Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man sabbaha Allah fi dubri kulli salatin 33 wa hamida 33 wa kabbara Allah 33 fa tilka 99 wa thumma qala tamam al-mi'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufrat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabad al-bahr. Le cheikh il dit donc ça c'est un hadith qui est mentionné par l'imam Muslim selon Abi Huraira, donc c'est authentique et ça dit celui qui a mentionné 33 fois subhanallah après chaque prière et alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 33 fois, donc ça fait 99, et qu'il a mentionné pour faire 100, il a dit la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il n'a pas d'associé à lui le royaume et à lui la louange, et il a le pouvoir sur toutes choses, et bien Allah va lui pardonner tous ses péchés, même si elle était comme la mousse sur l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a un grand bien dans le fait de mentionner ou de faire ces choses-là, mashallah. Après le cheikh il dit thumma yaqra'u ayat al-kursi, il mentionne par la suite ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Et donc ça c'est le verset 255 dans sourate al-Baqarah, si vous voulez vous pouvez retourner pour voir sa signification dans la traduction. Et il dit également que on récite قل هو الله أحد et on récite قل أعوذ برب الفلق et on récite قل أعوذ برب الناس. Et ensuite le cheikh il mentionne un hadith qui dit, qui est rapporté selon An-Nasa'i et Tabarani عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت, ويعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. نعم, donc c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné dans un hadith qui est rapporté selon Abi Umama qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière, il n'y a rien qui va l'empêcher de rentrer au paradis. » C'est-à-dire, entre le paradis et lui, il n'y aura que la mort. Parce qu'il dit que rien ne va l'empêcher de rentrer au paradis, excepté la mort. C'est-à-dire, comme le shérif dit, entre lui et le paradis, il n'y a que la mort qui le sépare. Naam, donc, pour la question de Ayatul Kursi, c'est mentionné dans Sahih al-Jami' du Cheikh al-Albani et dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le Hadith 972. Donc c'est un Hadith qui est, c'est une chose qui est authentique. Naam. Donc ensuite il dit wa fi hadith akhar kana fi zimmatillah ila as-salat al-ukhra, c'est-à-dire il est sous la protection d'Allah jusqu'à la prochaine prière. Ça c'est dans un autre hadith. Wa fi sunan an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qala amarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aqra al mu'awwazatayn dubura kulli salatin, akhrajahu Abu Dawud. Il dit que dans un autre hadith qui est rapporté dans les sunan, selon Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ou lui a ordonné de réciter Al-Mu'awwazatayn, c'est-à-dire les deux derniers versets de les deux derniers chapitres de, du Coran, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, après chaque prière. Après chaque prière. Et il est mentionné dans Sahih al-Tirmizi. D'accord, donc il est authentique. Et il est également dans Abu Dawud et dans An-Nasa'i. Naam. Donc, ça y est pour ça. Ensuite, le cheikh dit « وَلَقَدْ دَلَّتَ الْأَحَادِيثَ الشَّرِيفَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذِهِ الْأَذْكَارِ بَعْدَ الصَّلَوَاتَ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى مَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ مَنْ قَالَهَا مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ فَيَنْبَغِي لَنَا الْمُحَافَظَةُ عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأتي بها بعد الصلاة أو بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه ونرتبها على هذا الترتيب. Donc le cheikh il dit que donc ces hadiths qu'on a mentionnés de la sunna, ça prouve la législation ou du fait que c'est légiféré ou que c'est permis dans la charia de mentionner ces rappels-là après les prières prescrites et obligatoires. Et également, ça montre que la personne qui le fait, eh bien, elle aura les récompenses mentionnées dans ces hadiths-là. Et il faut également garder, les préserver et continuer de les faire de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a mentionné. Et de les faire après avoir fait le taslim, quand tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah, tout de suite après la prière, avant de se lever de notre place. Et c'est-à-dire qu'on le fait sur place, là où on a prié. Et on les met en ordre dans l'ordre suivant. Quand on a terminé, on a fait le taslim, on fait astaghfirullah trois fois, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ensuite, on dit Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ensuite, on dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana't. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع الغني منك غناه وإنما ينفعه العمل الصالح. C'est-à-dire quand on dit ولا ينفع ذا الجد منك الجد, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire que la richesse ça vient de toi et donc la richesse ne peut pas profiter à quelqu'un, c'est car la richesse vient d'Allah et c'est la seule chose qui va te profiter, c'est les bonnes œuvres que tu fais, hein, les bonnes œuvres que tu fais. ثم يقول ensuite après avoir dit ça ولا ينفع ذا الجد منك الجد, il dit quoi? Il dit ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tasbih 33 fois. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33 fois. Ensuite, il fait alhamdulillah 33 fois. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ensuite, il fait le takbir 33 fois. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Et quand il a fini, il dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et quand il fait les 33 fois, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il essaie de se concentrer en même temps et pas juste de le faire comme certaines personnes qui font juste ça en vitesse comme une course, yani pour se dépêcher à terminer le plus vite possible. Non, en fait, tu prends ton temps pour réfléchir en même temps puis te concentrer sur qu'est-ce que tu es en train de dire, pour que ça ait une signification dans ton cœur, et non pas seulement pour le faire comme d'une façon formelle, sans avoir une signification et sans avoir un effet réel dans ton cœur, comme certaines personnes, hein, comme par exemple les gens de Bédah, souvent ils se promènent avec un tasbih dans leurs mains, là, une chaîne, comme un genre de chapelet, comme les moines bouddhistes et les chrétiens, hein, ils se promènent avec ça, puis ils comptent les billes pour faire le zikr. Et tu les vois en train de parler à quelqu'un, et puis ils sont en train de compter les billes en même temps. Et même une fois, Cheikh Al-Albani, il dit qu'il avait vu un homme en bicyclette avec son tasbih en même temps qu'il pédalait, il était en train de faire son tasbih. Donc, c'est pour dire que les gens utilisent ça parfois, et ils l'utilisent et ils le tournent, et ça devient comme une habitude. Et donc, sans compter que souvent c'est une bid'ah, comme le Cheikh va l'expliquer plus tard. Hein? Mais en même temps, il y a même ceux qui le font avec les doigts parfois, selon la sunna, alhamdulillah, ben, eux, des fois aussi, ils peuvent le faire des fois trop rapidement ou trop vite, ou sans prendre le temps de se concentrer sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ça devient comme une sorte d'habitude. Donc, il faut prendre son temps, comme on a dit. Et, après le shaykh dit, après avoir fait ça, tu dis la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Après le shaykh il dit, mais si, wa ba'da salat al-maghrib wa salat al-fajr, na'ti bit tahlilat al-ashr wa naqul rabbi ajirni min an-nar sab'an. Donc après la prière de maghrib et al-fajr, tu dis rabbi, ô mon seigneur, protège-moi du feu de l'enfer. Sept fois. Et comme j'avais dit tout à l'heure au sujet du hadith qui n'est pas authentique, là, de pas le mentionner, mais il faut voir, bon, peut-être qu'il y a d'autres versions du hadith, peut-être dans Hisn al-Muslim, vous pouvez vérifier et puis voir si y en a d'autres, vous pouvez les faire, inshallah. Ensuite, le cheikh dit Thumma, ba'da an nafruga. من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي وصور قل هو الله أحد والمعوذتين. Après avoir récité ça dans cet ordre, on récite آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ensuite, il récite al-mu'awwadhatayn, il récite قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ensuite, il récite al-mu'awwadhatayn, les deux sourates qui demandent la protection et le refuge en Allah. C'est قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc après avoir récité ça, le cheikh dit: ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد المغرب وصلاة الفجر ثلاث مرات. Il dit que c'est recommandé de le dire de les réciter trois fois de suite après le maghrib et après le fajr. ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتمحيد والتكبير عقب الصلاة لكن لا يكون بصوت جماعي وإنما يرفع أو يرفع به كل واحد صوته منفردا. الشيخ il dit que c'est recommandé de faire le tasbih et le tahlil et de dire la ilaha illallah, tasbih, Allahu akbar, tamhid et tout ça, de les faire à haute voix après la prière, hein, et pas en groupe mais à haute voix, chacun faisant son propre dua individuel. Et ça, c'est une position parmi les positions, et c'est basé sur une athar de Ibn Omar, si je ne me trompe pas, qui mentionnait que après la prière, on entendait on pouvait savoir que la prière était finie parce que les gens entendaient un son ou une voix après la prière, quelque chose comme ça, du sens du fait que il faisait le tasbih et le takbir et les adhkar à haute voix. Toutefois, c'est pas tous les ulama qui sont d'accord avec ça, mais bon, si on se base sur cet hasard, on pourrait dire que il y a quand même une base chez les salafs pour dire ça, ou bien certains diraient peut-être que c'est juste une interprétation de la part de certains ulama de cet hasard de Ibn Omar, wallahu a'lam. Mais on trouve ça souvent en Arabie Saoudite, les chiouchs, ils mentionnent cette chose-là, et on le trouve effectivement dans les mosquées là-bas. Les gens, après la prière, ils font leur zikr à voix haute, d'accord, mais pas en groupe, bien individuellement. Après, le cheikh dit: wa yasta'inu ala dabt 'adad at-tahlilat wa 'adad at-tasbih wa at-takbir wa at-tamhid wa at-takbir bi 'aqd al-asabi' لأن الأصابع مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة مستنطقات. Oui. Donc le cheikh il dit que pour compter les la ilaha illallah que tu dis, ou bien les nombres de tasbih comme subhanallah ou alhamdulillah ou allahu akbar, pour compter le nombre que tu en dis, tu veux savoir où combien t'en as dit, tu utilises tes doigts. Tu utilises tes doigts pour calculer ça. Non pas avec un tasbih, hein, avec tes doigts, parce que c'est ça la sunna. Et au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va faire témoigner tes doigts, et tes doigts seront des témoins donc contre toi, pour toi au jugement dernier, si tu as fait ces choses-là avec tes doigts. Et Allah va les faire parler au jugement dernier. Toutefois, le cheikh dit ensuite: ويباح استعمال السبحة ليعد بها الأذكار والتسبيحات من غير اعتقاد أن فيها فضيلة خاصة وكرهها بعض العلماء. Donc ici le cheikh il dit que c'est permis d'utiliser le sabha pour compter les adhkar et les tasbihat, pour compter les dhikr et les tasbih qu'on fait, sans croire qu'il y a un mérite spécifique à l'utiliser. Et il dit que certains ulama ont détesté l'utilisation du tasbih. D'accord? Et le cheikh dit: wa in i'taqada anna laha fadila fattikhazuha bid'a wa dhalika mithlu s-subah allati yattakhizuha s-sufiyya wa yu'alliqunaha fi anaqihim wa yaj'alunaha kal aswira fi aydihim wa hadha ma'a kawnihi bid'atan fa inna fihi riya'an wa takallufan. Le cheikh dit ensuite que si la personne qui utilise le tasbih, les sortes de chapelets, s'ils utilisent ça et qu'ils croient qu'il y a un mérite à les utiliser, dans ce cas-là c'est une bid'ah. Il a pris une bid'ah, et ça c'est comparable au tasbih que les soufis utilisent hein, et qu'ils les accrochent dans leur cou, ou bien ils les portent comme des gens de bracelets sur leurs bras, hein, et il dit que dans ce cas-là, ça c'est une bid'a, et non seulement que c'est une bid'a, mais c'est également une forme de riya, dans le sens qu'ils font ça, c'est en même temps une forme de pour montrer qu'ils font le zikr souvent et tout, donc ils transportent un zikr dans leurs mains pour show off, yani, comme pour montrer aux gens qu'ils font le zikr. Et également, takalluf, hein, c'est compliqué ou c'est une difficulté inutile parce que tu peux utiliser tes doigts et c'est beaucoup plus simple. D'accord? Ensuite, le cheikh il dit, ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما يشاء أو بما شاء فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة. Il dit par la suite, si la personne a terminé de mentionner ses adhkars, ses rappels-là, hein, il peut faire un dua à voix basse ou en lui-même. Il fait un dua à voix basse parce que le dua, après avoir fait ces adorations-là, eh ben, ça fait en sorte que tu, et après avoir fait ces grands rappels-là dans l'aspantale, eh ben, ça peut porter à plus, à aider, disons, ça peut aider le fait que Allah exauce ta prière parce que tu viens de faire une adoration. Après, il dit وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ كَمَا يَفْعَلُ بَعْدُ النَّاسِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ هَذَا بَعْدَ النَّافِلَةِ أَحْيَانًا. Le Cheikh, il dit que tu lèves pas tes mains pour faire ton dua après la prière obligatoire comme certaines personnes font, hein, parce que c'est une bid'a, c'est une innovation, c'est quelque chose que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, hein, ni les tabi'in ne faisaient. Ils faisaient pas ça après la prière, lever leurs mains pour faire des invocations. Après la prière obligatoire, ils faisaient jamais ça. Donc c'est une bid'a, c'est une innovation, puis on voit que c'est propagé et c'est répandu dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui. Même dans certains endroits, les gens croient que ça, c'est la sunna de faire ça. Et que si tu le fais pas, il y a un problème. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose qui montre l'égarement ou bien l'ignorance de certains musulmans. Hein? Et ça vient, il n'y a pas de doute que ça vient des soufis. Hein? Ça vient des gens de Bédard parmi les soufis. Hein? C'est eux qui ont propagé ça parmi les gens, parmi les musulmans de Ahl-Sunna. Ensuite, il dit, وَلَا يَجْهَرُ بِالدُّعَى بَلْ يُخْفِي لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. Il dit, et il ne fait pas son dua à voix haute, il le fait à voix basse. Pourquoi? Parce que c'est plus près de la sincérité et plus facile à se concentrer, à être concentré, et c'est plus loin de ria, c'est plus loin du fait de vouloir faire un dua dans le but de montrer aux gens notre piété ou notre concentration ou des choses comme ça. Donc c'est mieux de ne pas le faire à voix haute. Et le cheikh dit, أما ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافع أيديهم فهذا العمل بدعة منكرة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاة على هذه الصفة لا في الفجر ولا في العصر ولا غيرهما من الصلوات ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne ce que beaucoup de gens font dans les pays, dans différents pays, ou dans certains pays, c'est-à-dire qu'ils font des doigts en groupe après la prière, avec voix haute, et ils lèvent leurs mains. Donc, quand la prière est finie, ils font des doigts en groupe, ils lèvent leurs mains et ils font des doigts. Pardon. Ou bien parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'imam lève ses mains et tous ceux qui sont là, qui viennent de prier avec derrière l'imam, ils lèvent leurs mains également et ils répètent Amin après le doua à chaque fois que l'imam prononce quelque chose dans son doua. Par exemple, l'imam il va dire Allahumma اغفر لنا les gens ils disent amin Allahumma taqabbal salatana les gens disent amin ça ils font ça en groupe comme ça ça c'est bid'a d'accord comme on a dit ça n'a pas été rapporté ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il terminait de faire sa prière qu'il faisait le doigt de cette façon-là ni après le fajr ni après l'asr ni après aucune autre des prières et aucun imam n'a jamais recommandé de faire une chose pareille aucun imam n'a jamais recommandé de faire une chose pareille et également qu'est-ce que tu vois parmi les musulmans parfois qu'est-ce qu'ils font quand ils lèvent leurs mains pour invoquer après la prière obligatoire ceux qui font cette bid'a ils lèvent leurs mains, ils font une invocation puis quand ils ont terminé ils essuient leurs mains sur leur visage et sur leur corps et ça encore une fois c'est une bid'a hein? C'est-à-dire il n'y a aucune preuve pour montrer que tu dois frotter tes mains sur ton corps excepté pour le ruqya quand quelqu'un fait le ruqya il récite le Coran, il souffle trois fois dans ses mains et puis là il récite des ayats et puis là il les passe sur son corps il passe ses mains sur son corps ça c'est pour le ruqya ou bien avant de dormir mais pour le doigt qu'on fait après la comme pour le doigt en général ou bien comme ces gens là qu'est-ce qu'ils font après la prière qui est une bid'a eh bien il n'y a aucune mention de lever les mains ou de faire le doigt après la prière et encore moins de se frotter les mains sur le corps pour avoir fait un doigt en général d'accord frotter les mains sur le corps après un doigt ça ne fait pas partie de la sunna. Et vous avez seulement à mentionner ou à demander à la personne qui fait ça de vous ramener le dalil. Et il n'y a pas de dalil. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, s'il n'y a pas de dalil, on ne peut pas le faire. Hein? C'est ça, c'est comme ça notre religion. On fait des choses uniquement avec les preuves du Coran et de la Sunna. Si une chose n'est pas mentionnée dans le Coran et dans la Sunna, on ne le fait pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire des choses, on les fait, et s'il ne nous a pas ordonné de le faire et qu'il ne nous a pas recommandé de les faire, on ne le fait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui invente quelque chose dans notre religion et sera rejeté. Et il dit également Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait quelque chose que, yani, qui n'a pas été. Dans notre religion, alors elle sera rejetée. Et il n'y a pas de doute que le dua, ça fait partie de l'islam. Et il n'y a pas de doute que de lever les mains dans certaines occasions, ça fait partie de la sunna quand on fait le dua, de lever les mains dans certaines occasions. Mais on doit se limiter dans ça, on doit se limiter à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que on lève les mains uniquement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains. C'est-à-dire dans les moments où les adorations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. D'accord? Comme dans la prière de l'istisqa, quand il y a une prière pour la demande de la pluie, ou bien quand il y a dans certaines autres occasions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça, ok, mais si c'est en dehors de ça, on ne le fait pas. D'accord? Donc, ceux qui vont prétendre par exemple que non, mais il n'y a rien de mal, on fait juste quelque chose de bien, on fait juste une adoration, eh bien, yani, on dit que, oui, bien sûr, c'est peut-être une bonne chose en apparence, et que peut-être que ça fait partie à la base de la sunna de faire le doigt. Toutefois, le fait de le prendre, de le faire d'une certaine description, ou de le faire après chaque prière, et de lever ses mains de cette façon-là, et de penser que ça, c'est une sunna, eh bien, dans ce cas-là, ça devient une bid'a, parce que s'il n'y a pas de preuve pour prouver que le professeur Hassan faisait ça de cette façon. Ensuite, le cheikh dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من نقل ذلك عن الإمام الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره من الآية وفي غيره لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا donc le cheikh il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit que celui qui a mentionné ou qui a rapporté de l'imam al-Shafi'i qu'il a recommandé de faire ça, c'est-à-dire recommandé de faire le dua en groupe après la prière et de lever les mains ou des choses comme ça, alors il s'est trompé à son sujet, il s'est trompé au sujet de l'imam al-Shafi'i, c'est-à-dire il a dit quelque chose au sujet de l'imam al-Shafi'i qui est incorrect. Et le cheikh il dit par la suite qu'il faut se limiter à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené dans toutes ces choses-là qu'on a mentionnées, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, alors abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et ça c'est dans Al-Hashr, le verset 7. Et après il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y a certes pour vous en le messager d'Allah un exemple, un bon exemple pour celui qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier et qui se souvient souvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le verset 21 dans Suratul Ahzab, d'accord. Et donc ça vient terminer notre dars aujourd'hui au sujet de dua après la prière. Et on va commencer la semaine prochaine inshallah, à partir de la semaine prochaine, la partie du livre qui parle des prières volontaires ou les prières, c'est-à-dire qui sont pas obligatoires, d'accord. Et on rentre donc dans cette partie dans cette section du livre inshallah, et donc ça va être très intéressant de rentrer dans cette de cette partie là de la prière. Et puis vous allez voir mashallah, il y a beaucoup de bonnes choses intéressantes là-dedans, inshallah. Donc on va arrêter ici. On va s'arrêter là maintenant, puis on continuera ça la semaine prochaine, bismillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran li hudurikum wa ila liqa al-qadim inshallah. Jazakumullahu khayran, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.